Ma musique s'adresse à ceux qui écoutent avec le cœur, ceux qui lisent dans les yeux, dans les yeux. Ma musique s'adresse à ceux qui écoutent avec le cœur, ceux qui lisent dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux. On est seul devant le miroir, derrière le mic, se crispe les visages dans la nuit. Le ciel est si noir, mon ami, le son sortira, mais seulement si mes proches valident. Je m'abrite dans la cage, un humain ou un acage, et j'enregistre dans l'appart. L'instru tourne dans le casque. Quand je me suis noyé dans mes doutes, merci à ceux qui m'encouragent, et j'en ai croisé des anges. Ces soirs orageux, j'ai changé, j'ai pris de l'âge, laissé ma rage dans le passé. Dans ce rap, j'ai assez chanté mon désespoir, mais je m'en suis lassé. J'ai dû avancer par étapes, step by step, ça m'a sauvé quand j'allais mal, même quand j'avais la tête pleine. Regarde, le jour se lèvera quand même. Un jour on aimera les vies qu'on mène, ou bien qu'on mènera. Si on s'aime, ne serai plus sur mes gardes, parce que je sais qu'on récolte les graines que l'on sème. Chaque échec m'enseigne, me pousse à faire mieux. Mes amis sont des artistes, on a tous du talent, de la technique, de la pratique. Mais prends ton mal en patience si tu veux toucher le ciel. La route est longue et je la fais toute seule. Donne de la douceur à la prod. Je m'évade du mal à sortir de la vieille école. Plus je m'éloigne de la belle époque, plus je vais loin. Plus je comprends mes torts, plus j'ai l'impression d'aller bien. Plus j'ai des projets. J'ai quelques cartes dans la manche et dans les chaussettes. Apparemment l'essentiel, si j'ai les gens que j'aime, que mes anges veillent sur ce monde. Les journées s'enchaînent et je recommence sans cesse. J'ai perdu mon temps des années, mais c'est sans regret si je referais pareil. J'ai perdu mon temps des années, mais c'est sans regret si je referais pareil. J'ai dû avancer par étapes, step by step, ça m'a sauvé quand j'allais mal, même quand j'avais la tête pleine. Regarde, le jour se lèvera quand même. Un jour on aimera les vies qu'on mène, ou bien qu'on mènera. Si on s'aime, ne serai plus sur mes gardes, parce que je sais qu'on récolte les graines que l'on sème. Chaque échec m'enseigne, me pousse à faire mieux. J'ai dû avancer par étapes, step by step, ça m'a sauvé quand j'allais mal, même quand j'avais la tête pleine. Regarde, le jour se lèvera quand même. Un jour on aimera les vies qu'on mène, ou bien qu'on mènera.